Attendre se dit warten. Warten, attendre. Ça s'écrit W-A-R-T-E-N. Warten, warten. Luther a été emprisonné dans la forteresse de Wartburg. C'est là où il a traduit la Bible. Dans Wartburg, la forteresse attente, il y a wart, comme dans warten. Comment diriez-vous « nous attendons » ? Wir warten. Wir warten. Bien. Nous n'attendons pas. Wir warten nicht. Bien. Wir warten nicht. Pourquoi attendez-vous? Warum? Warum? Oui, très bien. Attendez-vous? Warten Sie? Bien. Warum warten Sie? Et attendez, s'il vous plaît. Warten, bitte. Là, vous avez dit attendre, s'il vous plaît. Warten Sie, bitte. Oui, cela fait toute la différence. Warten Sie, bitte. Bien. En allemand, quand on parle d'attendre quelqu'un, on dit littéralement attendre sur quelqu'un. Attendre sur se dit warten auf. Donc, on ajoute auf, qui veut dire sur, après le verbe warten. Auf mich warten, ça veut dire m'attendre. Auf Sie warten, vous attendre. Par exemple, nous vous attendons. Wir warten. Wir warten, oui. Nous vous attendons. Nous attendons sur vous. Wir warten auf Sie. Wir warten auf Sie. C'est ça. Et maintenant, vous m'attendez. Sie warten auf mich. Bien. Sie warten auf mich. Et au futur, vous m'attendrez. Vous allez m'attendre. Sie werden. Vous m'attendrez. Sie werden warten auf mich. Ici, on a deux verbes, werden et warten. Et donc, le second, warten, doit être rejeté en fin de phrase. Alors, réessayez. Vous m'attendrez. Sie werden auf mich warten. Bien. Sie werden auf mich warten. Et voulez-vous bien m'attendre, s'il vous plaît? Wollen Sie bitte warten? Est-ce que bitte vient avant warten ou après? La place de bitte n'a pas trop d'importance. Vous pouvez le placer où vous voulez. D'accord, je le mets à la fin. Wollen Sie auf mich warten, bitte? Oui. Wollen Sie auf mich warten, bitte? Ou wollen Sie bitte auf mich warten? La place du mot bitte n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est de placer le second verbe à la fin. Comment dirait-on « voulez-vous bien m'attendre ici demain, s'il vous plaît? » Wollen Sie auf mich? Demain? Morgen hier warten, bitte? Bien. Wollen Sie auf mich morgen hier warten, bitte? Ou wollen Sie bitte auf mich morgen hier warten? En français aussi, la place du s'il vous plaît n'est pas très importante. Comment dit-on attendez-moi? Warten Sie auf mich. Warten Sie auf mich. Warten Sie bitte auf mich. Attendez-moi, s'il vous plaît. Comment dira-t-on? Est-ce que vous m'attendez? M'attendez-vous? Warten Sie auf mich? Bien. Warten Sie auf mich? Donc, vous voyez, la même phrase « Warten Sie auf mich » peut permettre d'exprimer un ordre « Warten Sie auf mich ». Attendez-moi. Une demande polie. Warten Sie bitte auf mich. Attendez-moi, s'il vous plaît. Ou une question. Warten Sie auf mich? M'attendez-vous? Est-ce que vous m'attendez? Alors, encore une fois, attendez-moi, se dit. Warten Sie auf mich. Bien, warten Sie auf mich. Mais vous pouvez aussi adoucir cet ordre en disant Warten Sie bitte auf mich ou Warten Sie auf mich bitte. Et comment direz-vous pouvez-vous m'attendre? Können Sie auf mich warten? Bien. Können Sie auf mich warten? Et où m'attendrez-vous? Où allez-vous m'attendre? Ou à quel endroit est bien traduit par vo ici, puisque le verbe attendre n'implique pas de mouvement. Alors, reprenons. Où m'attendrez-vous? Wo werden Sie? Non, werden Sie? C'est ça, werden Sie. Donc, où m'attendrez-vous? Wo werden Sie mich warten? En allemand, quand on parle d'attendre quelqu'un, on emploie auf avec warten. Warten auf, mot à mot attendre sur. Il ne faut pas oublier ce petit mot auf. Alors, encore une fois, où m'attendrez-vous? Wo werden Sie auf mich warten? Bien. À vous maintenant. Où m'attendrez-vous? Wo werden Sie auf mich warten? Wo werden Sie auf mich warten? Oui. Comment diriez-vous? Voulez-vous m'attendre? Wollen Sie auf mich warten? Bien. Wollen Sie auf mich warten? Voulez-vous m'attendre? Wollen Sie auf mich warten? Ce à quoi on peut répondre par ja ou nein. Oui ou non. Et maintenant, où voulez-vous m'attendre? Wo wollen Sie auf mich warten? Bien. Wo wollen Sie auf mich warten? Et comment diriez-vous au futur, où m'attendrez-vous? Wo werden Sie auf mich warten? Bien. Wo werden Sie auf mich warten? Donc, auf mich warten, c'est attendre sur moi, c'est-à-dire m'attendre.